إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui dans le cours numéro 5 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala' wal Bara' fil Kitab wa Sunnah par le Cheikh Isam ibn Abdullah al-Sinani et qui a été relu et préfacé par le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Donc on est arrivé dans le livre au quatrième point dans l'introduction. On avait expliqué qu'il y avait quatre points dans l'introduction. La quatrième partie de cette introduction, c'est au sujet de des imams de la da'wa salafiyya dans le Najd en Arabie à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux qui ont suivi cette voie par la suite parmi les ulama salafiyyins de cette région et les fausses accusations de takfir qui leur ont été attribuées et la clarification donc au sujet de ces fausses accusations. Le point qu'on va expliquer ici maintenant, c'est le point numéro 3, qui est l'innocence des imams. L'innocence des imams de la da'wa salafiyya au sujet du takfir et des choses qu'on a mentionnées à ce sujet-là. Et le Cheikh dit « Bara'atu a'immati da'wa min al-ghulat al-ladhina ihtajjuna bi-ba'di itlaqatihim » C'est-à-dire qu'il y a certains extrémistes parmi les gens qui ont les idées des khawarij qui essaient d'utiliser les paroles de ces imams, qui essaient d'utiliser les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et les paroles de ses élèves et de ceux qui l'ont suivi par la suite sur la voie des salafs, qui essaient d'utiliser ces paroles qui sont parfois tirées de certaines citations générales et globales de ces savants-là, et ils utilisent ces paroles générales pour les appliquer à des individus ou à des circonstances spécifiques hors du contexte réel dans lequel ces paroles-là ont été prononcées par ces imams. Et ils essaient d'utiliser ces paroles-là pour justifier le takfir de certains individus spécifiques ou de certaines situations, de faire le takfir de certaines personnes ou de certains gouvernements ou de certaines choses en particulier sans vraiment remettre les paroles de ces imams-là dans leur contexte. Donc ici maintenant c'est ça ce qu'on va expliquer. Mais en même temps aussi c'est de comprendre que pour certains égarés parmi les musulmans, comme par exemple les soufiyines et certains autres parmi les modernistes ou autres, surtout en particulier comme on a expliqué au dernier cours, à partir de qu'est-ce qui s'est passé par exemple depuis le 11 septembre par exemple, eh bien certains vont essayer de prendre les questions et de les ramener à des questions de, comme si par exemple pour dire ah mais depuis que quelqu'un fait le takfir, ça y est, c'est un extrémiste. Sans distinguer entre celui qui fait le takfir parmi les ulama avec science et avec connaissance et avec compréhension des fondements et des principes et des règles et des conditions, et celui qui fait le takfir par ignorance et qui déclare kuffar ceux qui ne méritent pas d'être déclaré kuffar. Donc il y en a qui essaient justement de jouer avec ça, de créer des ambiguïtés avec ça et de mélanger. Donc quand ils voient par exemple que les ulama de Ahl Sunna vont déclarer par exemple des mushrikines, des gens qui font le shirk ou qui font le kufr, ou même parfois des juifs et des chrétiens, hein, si on dit d'eux que ce sont des kuffars ou des mushrikines, eh bien ils disent « Ah, ce sont des extrémistes, ce sont des takfirines. » Hein, ça c'est de l'injustice et c'est faux de les accuser de cette façon. Ou bien par exemple ils vont par exemple voir que certains des ulama d'Ahl Sunna vont déclarer certains hérétiques ou certaines personnes qui nient des fondements de la croyance islamique qui déclarent ces gens-là kuffar. Bon, ils vont dire que ceux-là sont des extrémistes parce qu'ils font le takfir, hein, et ça c'est encore là, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Parce qu'il y a une différence entre le takfir qui est fait et qui est basé sur la science et la compréhension de la part des ulama, hein, et de la part des tulab ilm qui sont arrivés à un niveau très élevé dans leur compréhension et dans leur science, et le takfir qui est fait par des juhal, par des ignorants, par des extrémistes, et qui se basent sur aucune science et sur aucune compréhension, et sur leur passion et sur leur ignorance. Donc il y a un besoin, une nécessité de distinguer entre ces deux situations-là, hein, et de comprendre que parfois chez les soufis, chez les gens de bid'a en général, pour eux tout takfir est condamné sans clarification et sans distinction. Donc ça c'est un point très important, de ne pas tomber dans un extrême mais de ne pas tomber dans l'autre non plus aussi, hein, comme les murji'a par exemple aussi. Donc le cheikh il explique, il dit وَبَرَاءَةُ أَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ مِنَ الْغُلَاتِ أَلَّذِينَ يَحْتَجُّونَ بِبَعْضِ إِطْلَاقَاتِهِمْ. Donc le cheikh il dit مَا زَالَ لِكُلِّ إِمَامٍ أَوْ دَعْوَةٍ خَلُوفٍ يُظْهِرُونَ التَّعْظِيمَ لَهَا وَيُخَالِفُونَ فِي الْمَنْهَجِ وَالطَّرِيقِ فَهَؤُلَاءِ الْخَوَارِجِ مَعَ صَلَاحِهِمْ فِي الظَّاهِرِ بِكَثْرَةِ صِيَامِهِمْ وَقِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْ خَرَجُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَجِّينَ عَلَيْهِمْ بِتَأْوِيلَاتٍ فَاسِدَةٍ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَ ذَلِكَ تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ووصفهم بالأوصاف الشنيعة من المروق من الدين وقلة الفقه والإيمان والاستخفاف بالدماء وأنهم شر الخلق والخليقة وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقولون من خير قول البرية ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكذلك لا يجوز أن ينسب إلى هذه الدعوة التجديدية انحراف وضلال من تعلق بها وأظهر اتباعها مع مخالفتها في الطريقة والمنهج فتذم بهم لأن أئمة هذه الدعوة كانوا واضحين صريحين عندما ظهر في زمنهم أقوام يعظمون الدعوة ظاهرا ويخالفونها باطنا. Donc on va commencer par traduire cette partie ici. Le cheikh il dit que à chaque fois qu'il y a eu un imam ou une da'wa qui est apparue ou qui est venue quelque part, hein, eh bien il y a eu des gens qui sont venus après, hein, qui l'ont suivi et qui ont ou bien qui ont montré un certain respect envers cette da'wa ou envers cet imam, mais qui l'ont contredit dans sa méthodologie et dans sa voie. Par exemple, les Khawarij. Les Khawarij sont des gens qui montraient un respect envers l'islam, qui montraient une certaine appartenance, hein, du fait qu'ils se disaient musulmans et qu'ils prétendaient être sur l'islam. Et qu'ils prétendaient aussi suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré que en réalité ce sont des extrémistes. Hein, donc le cheikh il dit, par exemple, ces Khawarij, avec leur apparente bonté, hein, leur apparente piété, du fait qu'on les voyait faire beaucoup de jeûnes, on les voyait se tenir en prière, hein, de faire des longues prières, même de prier la nuit également, et de leurs nombreuses récitations, du Coran, du fait qu'il récitait constamment le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il connaissait parfois même par cœur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, ils sont sortis contre les compagnons du prophète, hein, contre les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, en employant ou en utilisant comme argument ou comme preuve certaines fausses interprétations qu'ils avaient du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, des interprétations corrompues, hein, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, malgré toute cette piété qu'ils montraient, hein, toute cette religiosité qu'ils avaient en apparence, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, s'est désavoué d'eux. Hein, et il les a décrits, il a parlé d'eux par les descriptions, et il a parlé d'eux en les décrivant de la manière la plus laide possible. Hein, et avec des termes et des descriptions, hein, très sévères et très dures, hein, à leur égard. Par exemple, il les a mentionnés en parlant que ce sont des gens qui sortent de la religion. Hein, al-muruq min ad-din. Al-muruq, ça veut dire al-khuruj. Al-muruq, ça veut dire de sortir. Donc il a parlé d'eux en disant que ce sont des gens qui sortent de la religion. Il a parlé d'eux en disant que ce sont des gens qui avaient peu de compréhension et de foi, et qui donnaient peu d'importance également au sang. Hein, qui donnaient peu d'importance également au sang, c'est-à-dire ils tuaient quelqu'un facilement, sans donner de valeur et de respect à la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux également que ce sont les pires créatures sur la terre. Sharrul khalqi wal khaliqa. Donc, ça c'est des exemples. Pourquoi ? Et ça en même temps, c'est une explication aussi de notre manhaj. L'exemple que le cheikh il donne ici, c'est un exemple qui nous donne la compréhension d'où viennent les principes que les ulama salafiyin à notre époque appliquent par rapport aux gens de bid'ah. C'est-à-dire que certains hizbiyin ou certains gens de bid'ah, de façon générale, lorsqu'on critique un mubtadi' ou lorsqu'on parle d'un hizbi et qu'on mentionne à son sujet des critiques et du mal, pour mettre en garde les musulmans à son sujet par rapport à ses erreurs et à ses égarements, eh bien, qu'est-ce que les gens de bid'a font en général, ou les sympathisants de ces mubtadi'a, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Ils disent, par exemple, mais comment vous pouvez parler de ces gens-là et mentionner des choses comme ça à leur sujet, alors que ces gens-là font beaucoup de bien pour l'islam, ils pratiquent la religion, ils font beaucoup d'efforts dans ci et dans ça, hein, et vous les critiquez ou vous parlez d'eux avec des caractéristiques mauvaises et négatives et des choses de ce genre. Et donc, nous, on leur répond de la même manière qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par rapport aux Khawarij. C'est la même chose. C'est-à-dire que les Khawarij, si on regarde sur le plan de la religion et de l'apparence, quelqu'un pourrait dire, ah, mais ce sont des gens, hein, qui sont pieux, qui prient, hein. Donc quelqu'un dirait ça à leur sujet aujourd'hui, hein. Imaginez si quelqu'un disait ça à leur sujet aujourd'hui. Ah, mais ce sont des musulmans, ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils font la prière la nuit, ils récitent le Coran, hein. Donc il ne faut pas parler sur eux. C'est comme la même chose que lorsqu'on critique par exemple Jamaat Tablir ou les Ikhwan. Les gens vont dire par exemple, ah, mais pourquoi vous parlez contre Jamaat Tablir? Il prie la nuit, hein, il voyage dans le monde. Est-ce que vous avez fait ça, hein? Ils vont dire ça. Donc nous on leur répond, est-ce que vous avez fait plus que les Khawarij? Est-ce que vous avez fait plus que les Khawarij comme récitation du Coran, comme adoration de prière de la nuit, comme jeûne, hein, et ainsi de suite? Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé contre eux et a mis en garde contre eux. Et il les a même appelés dans des hadiths, il les a même appelés les chiens de l'enfer, kilab ou ahlin nar. Hein? Et dans certains hadiths, il a parlé d'eux en disant que ce sont les pires créatures. Et il a mentionné d'eux beaucoup de choses de ce genre. Donc, comment par la suite, toi, tu viens puis tu dis, non, mais ils ont fait du bien. Hein? Le mal qu'ils font est plus grave que tout le bien qu'ils peuvent ramener. Et en négligeant ou en dénigrant, ou en donnant peu d'importance au mal qu'ils ont, eh bien, tu appelles en même temps indirectement les gens à leur égarement. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux et il a donné peu d'importance au bien et à leur piété qu'ils faisaient, au bien qu'ils faisaient et à la piété qu'ils montraient, pour mettre en garde la Ummah justement contre le mal qu'ils ont, qui est un grand mal et quelque chose de très dangereux. De plus, il laisse montrer ou il laisse paraître aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à leur sujet, qu'ils disent les meilleures paroles du monde. Et ils laissent paraître qu'ils sont des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Hein? Mais malgré tout ça, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont combattus. Les sahaba les ont combattus. Hein? Et hein, ils les ont arrêtés. Hein? Ils ont tout fait pour les stopper dans leur corruption. Donc ça c'est la preuve. Hein, que le fait que quelqu'un soit pieux ou bon en apparence et qu'il fasse beaucoup de bien hein, dans la religion, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de parler contre lui lorsqu'il fait des égarements ou des erreurs, ou ça ne veut pas dire non plus qu'il est sur la bonne voie. Hein, il faut prendre en considération les bases et les fondements de la personne avant toute chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit donc, si ça c'était possible par rapport aux Khawarij, par exemple, du fait qu'eux sont des Khawarij, et ils s'associent ou ils s'affilient à l'islam, ils s'affilient, ils prétendent suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc si ça c'était possible à l'époque, eh bien, c'est bien possible également qu'à notre époque aussi, il y ait des gens qui prétendent vouloir suivre la da'wah de réforme qui a été établi par le cheikh, par exemple, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans les siècles derniers, et prétendent vouloir suivre cette réforme et cette da'wah, alors qu'en réalité, il est accroché à des déviations et à des égarements. Hein, et que, donc, cette personne montre qu'il suit la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il prétend la suivre alors qu'en réalité il a des oppositions et des contradictions avec cette voie et avec ce manhaj. Et donc dans ce cas-là, il doit être blâmé pour ces contradictions-là. Donc il doit être blâmé pour ces contradictions, hein, puisque c'est quelque chose qui devient dangereux en réalité. Ça devient comme une genre de fausse affiliation et aussi même ça revient ou ça équivaut même à attribuer par la suite, si on les condamne pas pour ce qu'ils font, ça devient presque à attribuer indirectement à la da'wah du cheikh les erreurs et les égarements de ces individus, hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, comme par exemple on voit par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en France? Des jeunes qui, par exemple, que les médias qualifient comme étant des salafis, qui planifient par exemple des assassinats ou des attentats ou des choses de ce genre. Eh bien, les médias, quand ils disent de ces jeunes que ce sont des salafis, ou des choses, ou parlent d'eux en disant qu'ils sont influencés par le salafisme ou des choses de ce genre, eh bien, ça implique, premièrement, un mensonge contre la salafia, parce que la salafia est innocente de ce que ces gens-là font, et ça implique également un mensonge contre nos salafs, contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contre les sahaba, contre les tabi'in et les tabi'in, puisque ces gens-là déforment la réalité de qu'est-ce que suivaient les salafs et attribuent aux salafs des choses dont ils sont innocents. Donc c'est très important de clarifier ces choses-là et de faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans et aux médias et à ceux qui écrivent dans les médias et qui parlent dans les médias que ces informations-là qu'ils donnent au sujet de la salafia sont fausses, et qu'est-ce qu'ils disent au sujet du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est des mensonges également. Donc le cheikh il explique, il dit لأن أئمة الدعوة, donc une des raisons comment on peut arriver à clarifier que ce sont des mensonges et des fausses accusations qui sont données de la part de ces soi-disant fidèles qui se prétendent suivre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais qui ne le suivent pas correctement ou qui ne le suivent pas du tout, eh bien, parmi les exemples de ça et les preuves de ça, il n'y a que les imams eux-mêmes qui étaient parmi les élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ou bien de ceux qui ont étudié avec les élèves de ses élèves ou avec les élèves des élèves de ses élèves et ainsi de suite, eh bien eux-mêmes les imams de cette da'wah donc ont été clairs et explicites lorsque ces gens-là sont apparus, lorsque des gens à leur époque sont apparus et qu'ils démontraient un certain respect envers la da'wah salafia en apparence et qu'ils la contredisaient dans leur intérieur et dans ce qu'ils cachaient. Donc le cheikh il dit فَإِنَّهُمْ نَصَحُوهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ وَمِنْ طَرِيقَتِهِمْ لَمَّا أَصَرُّوا عَلَى غَيِّهِمْ فَلَا يُنْسَبُ هَؤُلَاءِ وَانْحِرَافُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ وَأَئِمَّتِهَا إِلَّا مَنْ أَرَادَ التَّلْبِيسِ وَالْإِنْتِصَارُ لِضَلَالِهِ وَانْحِرَافِهِ وَلِنَأْخُذْ صُوَرًا مُشَرَّفَةً أو مُشْرِقَةً لِنَأْخُذَ صُوَرًا Mushrika li hadhihi al-munasahat. Donc le cheikh explique, il dit que les imams de la da'wa ont donné à ces gens-là qui ont contredit les fondements des conseils, des exhortations, des conseils pour les ramener à la réalité. Et ils ont donné ces conseils et ces nasiha, ces nasa'ih en privé et publiquement. Et ils se sont désavoués d'eux et de leur voix lorsque ils ont vu de leur part que ces gens-là persistaient dans leur déviation. Donc, on n'a pas le droit d'attribuer à ces imams les déviations et les égarements de ceux qui ont fait ces choses-là au nom de cette da'wah injustement. Hein? Donc, on n'a pas le droit d'accuser et d'attribuer ces erreurs-là à la da'wah elle-même et aux imams de cette da'wah. Et celui qui le fait, celui qui accuse cette da'wah et les imams de cette da'wah de ces choses-là, eh bien, c'est uniquement la personne qui cherche à mélanger les gens et confondre la vérité et le faux et défendre l'égarement et la déviation. Hein? Parce que sinon, si la personne était honnête, elle retournerait donc à l'exemple de ce que ces imams eux-mêmes ont donné comme, désaveu. Hein, de leur part, de l'attitude et des actions de ces gens-là. Et donc, c'est ça qu'on dit, nous. Comme par exemple, qu'est-ce que des jeunes aujourd'hui font et que les médias, par exemple, vont dire « ça, c'est des jeunes salafis » ou « qu'est-ce que des gens ont fait, par exemple ?» Ils vont dire « ça, c'est des salafis ». Par exemple, lorsque le film qui a été fait pour insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été fait par des koufars, eh bien, ils ont dit dans les médias en France que la première chaîne de télé qui a publié ou diffusé ces images en arabe traduit en égyptien, en arabe égyptien ou en dialecte égyptien, ils ont dit que c'était une chaîne salafie et que le premier qui a diffusé ces images c'était un salafi. Alors que lorsque tu retournes à cette personne et à cette chaîne de télé en Égypte, eh bien tu vois clairement que c'est pas des salafis et que leur manhaj c'est pas la salafia. Donc pourquoi qualifier ces gens-là de salafis et pourquoi utiliser le terme salafi aujourd'hui? On voit que auparavant ils disaient intégristes, auparavant ils disaient fondamentalistes, après ils disaient les wahhabites et maintenant on voit qu'ils utilisent salafistes. Hein, pour créer encore plus d'ambiguïté, de mélange et pour donner aux salafis une mauvaise image, hein, et pour faire fuir les gens de la salafia, hein, alors qu'ils savent très bien que tout ce que ces gens-là font comme acte de terrorisme ou acte de violence ou des choses de ce genre, que les salafis s'en sont désavoués et sont toujours les premiers à s'en désavouer et à réfuter ceux qui font ces actes-là. Donc, le cheikh, il dit, on va donner quelques exemples des paroles brillantes de la part de ces imams qui se sont désavoués de ces gens-là et qui ont donné conseil à ces jeunes qui ont dévié, par exemple, dans certaines de ces questions du takfir, Et on va commencer donc la première exemple qui est mentionnée. Le cheikh il a cité, 1, 2, 3, 4, 5, il a cité 5 imams, et 5 citations donc, plutôt 5 citations ou 5 différentes paroles de certains des imams de la da'wa salafia du Najd pour montrer comment les imams de la da'wa se sont désavoués de ces jeunes khawarij ou de ces égarés parmi les takfirines qui sont apparus à leur époque. Et que tu vois qu'aujourd'hui, par exemple, il y a certains sites qui sont apparus même en français, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays, des sites en français, des sites en anglais, qui ont comme titre Ansar al-Tawhid ou bien Al-Muwahidun ou bien des sites comme ça, et qui mentionnent dans leurs références, par exemple, des titres comme les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et Ad-Durar al-Rustaniya et d'autres de livres de ce genre, pour essayer de montrer qu'ils se réfèrent à la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et la réalité, c'est que les imams de la da'wa salafia se sont désavoués eux-mêmes des gens qui avaient ces idées de takfir et de khawarij parmi les gens de leur époque. Et donc on peut même utiliser les paroles de ces imams contre ces égarés aujourd'hui qui essaient de se référer à ces imams-là pour défendre leurs idées extrémistes et à prétendre suivre la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ils sont innocents, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et ses élèves sont innocents de ces gens-là, et eux sont également innocents de lui et de la da'wa salafia en général. Donc le Cheikh il commence, il dit Mawqif al-Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc le Cheikh Abdul Latif, si on regarde, c'est que son père c'est Abdurrahman, et le père de Abdurrahman, c'est-à-dire son grand-père, c'est Hassan, et le père de Hassan c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ça veut dire que l'arrière-grand-père de ce Cheikh Abdul Latif c'était le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il est le petit-petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce Cheikh? Il dit, Cheikh Abdul Latif, rahimahullah, il dit, موقف, donc le Cheikh, il dit, موقف الشيخ Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, من أقوام في زمنه زعموا أنهم على عقيدة الشيخ محمد ibn Abdul Wahhab. كفروا أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين بل كفروا من خالط من كتابهم من مشايخ المسلمين مستدلين ببعض أقوال أئمة الدعوة في غير محلها. Donc le cheikh il dit que la position, donc il mentionne la position du cheikh Abdul Latif, fils d'Abdul Rahman, fils de Hassan, fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, vis-à-vis des gens qui étaient à son époque, qui vivaient à son époque et qui ont prétendu qu'ils étaient sur la aqida du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et qui ont déclaré les dirigeants de l'époque, les dirigeants des musulmans de l'époque, comme étant kuffars parce qu'ils ont écrit et qu'ils ont correspondu par écrit avec les rois égyptiens. Et ils ont également déclaré kuffars ceux qui ont côtoyé ou fréquenter ceux qui se sont mélangés avec ceux qui ont contacté ou écrit à leur roi, au roi de l'Égypte. Kaffaru man khalata man katabahum min mashayikh al-muslimin. Donc ils ont déclaré également kuffar les shuyukh musulmans qui ont côtoyé ceux qui ont correspondu avec les rois égyptiens de l'époque, en utilisant comme argument ou comme preuve certaines paroles des imams de la da'wa salafia du Najd, mais qu'ils ont pris en dehors de leur contexte, c'est-à-dire ils ont pris ces citations-là en dehors de leur contexte. قال الشيخ في الدرر السنية المجلد الأول الصفحة 467 فرفع إلي أمرهم فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم فكشفت شبهتهم وأضحبت ضلالتهم بما حضرني في المجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر أما التكفير بهذه الأمور التي تظنونها التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة وقالوا حكمت الرجال في دين الله ووليت معاوية وعمرا وتوليتهما وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit dans Ad-Durar As-Saniya, le volume 1 à la page 467, il dit qu'on m'a ramené leur, on m'a ramené leur cas et leur situation. Alors je les ai fait venir. C'est-à-dire ces gens-là qui faisaient le takfir des dirigeants et des chouyours et des ulama parce qu'ils avaient écrit ou côtoyé ceux qui ont écrit au roi égyptien. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on m'a ramené leur cas et donc je les ai fait se présenter et je les ai menacés. Et j'ai parlé avec eux d'une parole sévère. Hein, d'une parole dure et sévère. Et parce que c'est des gens qui prétendaient au début être sur la aqida du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et prétendaient qu'ils avaient ses écrits chez eux. Alors je leur ai fait, alors j'ai dévoilé leur confusion ou leur shubuhat, c'est-à-dire leurs faux arguments. Je les ai dévoilés, démasqués. Et j'ai détruit leur fausseté, leurs faux arguments, avec ce qui m'est, avec ce que j'ai eu, comme, avec ce que je me suis rappelé sur le moment, lors de la rencontre. Et je leur ai donné l'information, je les ai informés, que le cheikh était innocent de cette croyance et de cette voie, et qu'il ne déclarait pas quelqu'un kafir, excepté sur ce sur quoi tous les musulmans étaient d'accord. Sur ce sur quoi il y avait un consensus des musulmans vis-à-vis du fait que cette chose-là rend quelqu'un mécréant lorsqu'il le fait. Et que ça fait partie, par exemple, des formes de shirk majeur ou du kufr, dans le sens qu'on renie les signes d'Allah et de son messager. Ou quelque chose de ce genre qui fait sortir de l'islam après avoir établi la preuve et après l'avoir transmise de façon suffisante et correcte. En ce qui concerne le takfir, de faire le takfir pour des choses que vous pensez, dont vous avez cru ou que vous avez pensé ou prétendu que c'était des choses qui faisaient sortir de l'islam les gens qui sont dans l'islam, eh bien, ça c'est la voix des Haruriyah qui sont sortis de la religion et qui sont sortis contre Ali ibn Abi Talib al-Haruriya, ce sont les Khawarij qui ont combattu contre Ali radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, et qui ont combattu ceux qui étaient avec lui parmi les Sahaba. Parce que les Khawarij al-Haruriya, à l'époque d'Ali radiallahu anhu, ils ont condamné le fait que Ali radiallahu anhu demande le jugement de Abu Musa al-Ash'ari et qu'il se réfère au jugement de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu et de Amr ibn al-As radiallahu anhu au sujet de la fitna qui s'est produite entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah et les gens de la Syrie. Donc les Khawarij, lorsqu'ils ont vu que on avait choisi ces deux personnes comme arbitres et comme juges pour régler les affaires de cette fitna, eux, ils ont refusé ça. Hein? Les Khawarij ont refusé ça. Et ils se sont basés sur ça pour déclarer kafir Ali radiallahu anhu et les Sahaba. Hein? Alors que le Cheikh dit à la base, les Khawarij étaient parmi les compagnons de Ali. C'est-à-dire, ils étaient parmi ceux qui suivaient Ali radiallahu anhu. Et ils étaient parmi les gens qui avaient appris le Coran de la vie de la ville de Koufa et de Basra. Ils mémorisaient le Coran. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Ali radiallahu anhu, tu as pris les hommes comme juges dans la religion d'Allah. Et tu as pris pour allier Muawiyah et Amr. Hein? Et donc, et Allah a dit que le jugement n'appartient que à Allah. Inil hukmu illa lillah. Donc ça c'est la fin de la citation. Donc le cheikh, on voit dans cette citation, dans cette parole du cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, que il s'est désavoué, il a réfuté les idées de ces gens-là qui faisaient le takfir des dirigeants pour avoir communiqué ou avoir eu des contacts avec les rois égyptiens et pour avoir déclaré kuffar les ulama qui côtoyaient ces dirigeants-là aussi, comme on retrouve ça de la part de certains aujourd'hui à notre époque parmi les Khawarij qui font le takfir de tous les dirigeants musulmans et qui déclarent kuffar tous ceux qui ne les déclarent pas kuffar, hein, parmi les musulmans, que ce soit des dirigeants, que ce soit des savants ou les musulmans en général, parmi le commun des musulmans. Donc ils font le takfir de tous ceux qui ne vont pas dire d'eux que ce sont des kuffar. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve à notre époque, et ces gens-là, ils appellent à cette voie-là et à cette idée-là. Et ça c'est la voie, le cheikh il a clairement mentionné que ça c'est la voie des Haruriyah et que c'est la voie des Khawarij, hein. Et on a des jeunes comme ça dans différents quartiers, dans différents pays, dans le monde, hein, qui appellent à ces idées-là et qui sont influencés par plusieurs d'entre les takfiriens et d'entre les djihadis, comme Ben Laden et des gens qui suivent Al-Qaïda, ou bien qui suivent Anwar al-Awlaki, ou bien qui suivent d'autres exemples de ces tendances-là. Et ils laissent de côté les ulama pour suivre ces égarés et ces ignorants. Donc, ça c'est très important. C'est très important donc de comprendre que les imams de la da'wah eux-mêmes se sont désavoués de ceux-là. Comme le cheikh ici, Abdul Latif, à la page 467 du volume 1 de Ad-Durar As-Saniya. Et Ad-Durar As-Saniya, c'est les écrits du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses écrits, ses lettres et les communications qu'il a eues avec les savants de l'époque et avec les gens, et également les écrits de ses élèves, hein, et de ses enfants et de ses élèves qui ont suivi sa voie et sa aqida et son manhaj. Donc le cheikh il a clarifié que le manhaj du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il était innocent de la voie de ces égarés là et que le cheikh se désavouait d'eux, comme nous aujourd'hui on se désavoue d'eux aussi. Donc le cheikh il dit un autre exemple de citation. قال الشيخان محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري ردا على بعض الغلاة المنتسبين للدعوة المتهمين لأئمتنا لأئمتها في زمنهم بالمداهنة اعتمادا على بعض العبارات والألفاظ والألفاظ في كتب الأئمة الضرر السنية المجلد التاسع الصفحة 133. Donc le cheikh il explique maintenant, il va citer les paroles de deux savants, deux grands imams de la da'wa salafia du Najd, hein? C'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif, donc c'est probablement le fils du cheikh Abdul Latif dont on vient de parler, et un autre cheikh qui s'appelle Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari, qui était un autre parmi les grands savants de la da'wa du Najd, parmi les ulama salafiens de l'époque. Et il a réfuté, ils ont tous les deux réfuté à leur époque certains des extrémistes parmi ces gens-là qui s'affiliaient ou prétendaient suivre la da'wa salafia et qui accusaient les imams, c'est-à-dire les dirigeants de l'époque, de faire des compromis et de transiger dans la religion en se basant sur certaines expressions ou certaines paroles qui avaient été mentionnées dans certains livres des imams de la da'wa. Et ça, c'est, on retrouve cette citation qu'on va lire, on la retrouve dans le volume 9 du livre Ad-Durar As-Saniya, à la page 133. Le cheikh, il dit « Fawajibun ala kulli mukallafin akhdhuddin an ahlihi kama qala ba'du salaf inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum » فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لم يعرف مقصوده بذلك الكلام فإن هذا جهل وضلال ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا مراد ولا ما يراد بألفاظها إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا وسألوهم وأخذوا بفتواهم ضلوا وأضلوا عياذا بالله. Donc le cheikh il dit ici, donc ces deux cheikhs, le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif, le cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari, il réfute ces extrémistes-là en disant dans le volume 9 à la page 133, ils disent, il est obligatoire à toute personne qui est responsable, qui a atteint l'âge de responsabilité dans l'islam, c'est-à-dire qui est mukallaf, de prendre sa religion des gens de la religion, c'est-à-dire des hommes de science, des savants de l'islam. Comme certains des salafs ont dit, comme par exemple Mohammed ibn Sirin, il a dit cette science, c'est une religion. Alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Cette science est une religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Et le cheikh il continue en disant, et celui, en ce qui concerne celui qui prend uniquement le sens apparent des paroles des ulama vérificateurs et qui ne les ramène pas aux ulama et qui se base uniquement sur sa propre compréhension, hein, et peut-être qu'il dira par exemple notre preuve c'est le livre Majmu'atut Tawhid Ou il dira par exemple, notre preuve, c'est la parole d'un tel savant ou d'un tel savant, alors qu'il ne sait même pas ce qui était le but et l'intention de ce savant par cette parole. Alors ça, c'est de l'ignorance et de l'égarement. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh? Ça, c'est pour expliquer la réalité de ce qui se passe de la part de ces takfiriyin et de la part de ces khawarij contemporains à notre époque. C'est qu'ils essaient tout le temps de se référer à la parole d'un savant salafi ou d'un imam parmi les imams des salafs pour essayer de justifier leur takfir et leur fausse compréhension de la religion. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que le cheikh il dit ici. Ils disent, nous, notre preuve c'est tel livre, ou notre preuve c'est tel savant. Alors qu'ils vont se baser juste sur des termes ou des morceaux de phrases ou des morceaux de citations qu'ils prennent en dehors de leur contexte, et ils essaient de se baser sur ça pour établir leurs principes et leurs idées, alors qu'ils ignorent complètement quel était même le but et l'objectif de cette parole dans les paroles de ces imams. Et le cheikh il dit ensuite, ومن المعلوم, il dit, et on sait très bien que la meilleure et la plus grande de toutes les paroles, et la meilleure et la plus correcte de toutes les paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Et si quelqu'un disait, nous n'acceptons que le Coran, et qu'il s'accrocherait à qu'est-ce qui est apparent d'un mot dans le Coran, sans connaître sa signification, ou qu'il aurait interprété ce mot ou ce terme par une chose qui est en contradiction avec sa vraie signification, alors dans ce cas-là, il aurait imité l'exemple des Khawarij qui sont sortis de la religion. Donc, si ça c'est l'état de quelqu'un qui dit « je me suffis du Coran seulement, je prends que du Coran et je délaisse la Sunna », si c'est le cas de la personne qui agit comme ça avec le Coran, alors que dirons-nous de celui qui s'accroche à des mots ou à des termes qui sont dans les livres et dont il ignore complètement, il ne connaît même pas la signification et il dit « je ne sais même pas ce que ces mots-là veulent dire hein? ». Il ne sait même pas ce que ces mots-là veulent dire et puis il se base là-dessus pour justifier sa compréhension ou son interprétation. Le cheikh il dit « si tu as compris cet exemple que je viens de donner, qu'il y a des gens qui se sont égarés en suivant le Coran alors que c'est la meilleure parole. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande parole, la meilleure de toutes les paroles. Et il y en a qui l'ont pris et qui l'ont faussement interprété comme les Khawarij par exemple. Donc si c'est le cas que des gens peuvent s'égarer avec la meilleure des paroles, alors qu'est-ce que tu vas dire de celui qui prétend vouloir se suffire de suivre Majmu'atut Tawhid et qui prétend que ça c'est suffisant et qui n'a pas besoin de prendre des ulama parmi les ulama des musulmans hein? Alors il dit le shirk, celui-là il est dans l'erreur, il a commis une faute, il est dans l'erreur en agissant comme ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une des causes du fait que la science va partir, c'est la mort des savants. Donc lorsque les ulama commencent à mourir, eh bien les gens prennent des têtes ou des chefs ignorants et ils leur demandent des questions dans la religion et ils prennent leur fatwa et ces gens-là donc s'égarent et ils égarent les autres avec eux. Donc ça c'est la fin de la citation de cet imam. Un autre exemple, c'est la parole du cheikh Abdullah. Le cheikh dit « وقال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري » Le même cheikh dont on vient de, un des deux cheikhs qu'on vient de parler maintenant. Le cheikh il dit « رحمه الله مبينا لبعض المنتسبين للدعوة الذين يخوضون في ولي أمرهم بسبب المصالحة مع الكفار استدلالا ببعض العبارات المجملة المحتملة لبعض أئمة الدعوة دون النظر في سياقها في من قيلت الدرر السنية المجلد التاسع الصفحة 157. Donc le cheikh il explique donc que le cheikh Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari rahimahullah, il explique يعني que certains des gens qui prétendent suivre la da'wa salafia, hein, qui étaient dans le Najd à l'époque, que ces gens-là discutaient et يعني argumentaient au sujet du dirigeant, au sujet de leur dirigeant, à cause de des accords et des ententes de paix qu'il a fait avec les kuffars, en se basant ou en utilisant comme preuve certaines expressions générales, hein, qui pouvaient impliquer différentes significations de la part de certains des imams de la da'wah, sans regarder le contexte de ces paroles et de ces citations et au sujet de qui ces paroles-là avaient été prononcées. Donc ils prennent la parole, ils la sortent de son contexte et ils ne regardent pas à quel sujet ou dans quel contexte et à propos de qui les imams ont mentionné ces paroles-là et eux ils les appliquent. Hein. C'est comme par exemple certains parmi les takfirines à notre époque qui par exemple voulaient se référer à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hein, en Égypte ou ailleurs, comme Jama'at al-Takfir en Égypte, hein, qui s'appelait, ils donnaient le nom par exemple de Jama'at al-Jihad, et ils essayaient de se baser sur la fatwa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'il a fait au sujet des Tatars, et de les appliquer aux dirigeants musulmans ou aux pays musulmans à l'époque actuelle, sans prendre en considération les distinctions et les différences qui existent entre le contexte de l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et le contexte de l'époque dans lequel on vit actuellement, et sans prendre en considération également le manhaj, hein, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, du Cheikh ibn Taymiyyah, et comment il a mis en application cette fatwa et comment eux aujourd'hui essaient de la mettre en application sans tenir compte des règles et des conditions et des principes que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a établi. Et donc tu vois certains égarés ou certains ignorants et certains journalistes par exemple ou certains chercheurs occidentaux ou orientalistes ou autres qui sont parfois mal intentionnés ou parfois ignorants et qui disent par exemple que qui essaient d'accuser ou d'attaquer Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour les erreurs de ces égarés-là et d'attribuer à Ibn Taymiyyah ce que ces égarés-là ont fait en son nom, hein, sans comprendre et sans connaître. Donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là. Eh bien le cheikh ici il explique la même chose. Il dit il y a des gens qui ont pris, hein, qui ont essayé de disputer à propos du dirigeant de l'époque, et qui se prétendent suivre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et pourquoi il parle contre le dirigeant, c'est parce qu'il a fait des ententes de paix avec les kuffars et il se base sur des paroles des imams qui ont condamné certains exemples de ces choses-là, mais dans un contexte tout à fait différent. Donc le cheikh il explique ça maintenant, volume 9, page 157. Il dit فقد بلغنا وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء فإنه بحمد الله ظاهر المعنى فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. والإمام وفقه الله لم يقع في شيء مما ذكر، فإنه إمام المسلمين والناظر في مصالحهم ولا بد له من التحفظ على ولايته من الدول الأجانب. والشيخ رحمه الله والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم. فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا. انتهى كلامه. Donc, le cheikh il dit ce qui suit dans Ad-Durar al-Sani, volume 9, page 157. On nous a transmis que certaines choses vous avaient causé des troubles dans la compréhension. Vous aviez difficulté avec certaines choses. Comme par exemple, vous pensiez que, par exemple, le fait que le simple fait de se mélanger au kuffar ou d'avoir des interactions, d'entente, par exemple, de faire des ententes de paix ou des choses de ce genre avec eux, vous avez pensé que, de faire ça, ou le fait que, par exemple, certains des dirigeants des kuffars ou certains des kuffars viennent pour visiter le dirigeant dans le but de faire des ententes et des pactes ou des trêves ou des choses de ce genre, ou bien que ce genre d'entente, vous avez pensé que c'était ça le fait de prendre pour allier les mouchriquines et tel que c'est interdit dans les versets et dans les hadiths. Et il se peut même que vous avez eu cette compréhension là du livre qui s'appelle Ad-Dala'il. C'est le livre Ad-Dala'il, c'est, si je me souviens le titre au complet, Dala'ilu. J'ai oublié le titre. En toute façon, c'est un livre du Cheikh Suleyman Ibn Abdullah Ibn Sheikh. Oui, c'est ça. C'est un livre écrit par le Cheikh Suleyman Ibn Abdullah Ibn Sheikh. Donc, c'est le petit-fils du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab qui s'appelait Suleyman. Il a écrit un livre qui s'appelle Ad-Dala'il. J'ai oublié. En tout cas, le Cheikh Al-Fawzan, il a fait un charh de ce livre-là. C'est un très très bon livre qui mentionne donc les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos de prendre les kuffar pour allier et ainsi de suite, et qui mentionne certains exemples à ce sujet-là. Et il y a un autre livre qui s'appelle Sabil al-Najat, écrit par le Cheikh Hamad ibn Atiq. Ces deux savants sont des imams parmi les imams de la da'wah salafia du Najd à l'époque. Et certains parmi les jeunes ou certains parmi ceux qui avaient des idées des khawarij ou qui avaient été influencés par les khawarij, ils se référaient à ces livres-là pour faire le takfir des dirigeants à l'époque qui voulaient faire des ententes de paix avec les pays des kuffars et avec les dirigeants des pays des kuffars. Donc le cheikh il répond, il dit premièrement, on va vous expliquer la raison pourquoi ces livres-là ont été écrits. Premièrement, Ad-Dala'il. C'est le cheikh, il dit le cheikh Suleyman qui l'a écrit. Il l'a écrit quand? Il l'a écrit lorsque les armées turques ont envahi le Najd, sont venus pour attaquer le Najd à son époque. Et eux, ils voulaient complètement éliminer la religion de la base, à partir de son fondement et de sa base. Donc, ils voulaient détruire complètement la da'wa de la salafie et du tawhid dans la région du Najd, et les éliminer, les exterminer complètement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une armée, les Turcs ont envoyé une armée, et l'armée a assiégé la ville, et ils sont restés comme ça pendant longtemps. Ils ont fait des ententes de paix, les dirigeants du Najd ont fait une entente de paix avec l'armée turque pour dire que bon, ça y est, on va se rendre, à condition que vous allez pas faire couler le sang, puis que vous allez laisser la vie aux gens, pas détruire, pas corrompre, pas faire de massacre, et ainsi de suite. Eh bien, ils ont signé l'entente, et aussitôt qu'ils ont ouvert les portes de la ville, et ainsi de suite, eh bien, l'armée turque a commencé à massacrer et à tuer, et même ils ont tué le cheikh Suleiman, et ils ont tué beaucoup d'autres également. Donc, ils n'ont pas respecté leur entente avec eux. Donc ça c'est un exemple, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Ça c'est des trucs historiques qui se sont produits et la situation était différente parce que, le cheikh dit, à l'époque donc, ces gens-là venaient pour complètement éliminer et éradiquer la religion du Tawhid à la base et ils ont été aidés par des gens du Najd qui faisaient partie des Bédouins et des gens de la ville aussi qui aimaient voir ces gens-là victorieux contre la religion du Tawhid. Et c'est à cause de ça, donc, qu'il a écrit ce livre-là. Et il y a aussi le Cheikh Hamad ibn Atib qui a écrit le livre Sabil al-Najat, qui a écrit ça également, lui aussi, lorsque les armées turques ont attaqué les pays musulmans. Et certains d'entre les gens du Najd ont aidé les armées turques contre les pays musulmans. Ils les ont aidés donc à prendre le dessus et à conquérir les pays du Najd. Donc lorsqu'on a compris, lorsqu'on sait la cause pour laquelle le livre a été écrit, eh bien ça nous aide à comprendre la parole des ulama, alhamdoulillah, et on voit que la signification elle est claire. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est dans le contexte de ces livres-là, de quoi on parle quand on parle de prendre les kuffars pour allier dans ces livres-là. On parle de l'exemple de ceux qui sont d'accord avec les kuffars au sujet de leur kuffre. Qui sont d'accord avec les kuffars au sujet de leur kuffre. C'est-à-dire, ils sont d'accord avec le kuffre des kuffars. Et ils montrent aux kuffars l'amour qu'ils ont pour eux à cause de leur kuffre. Et ils les aident contre les musulmans. Et ils considèrent que leur parole est bonne. Et ils leur montrent l'obéissance et la soumission dans leur coffre, hein, et sur leur coffre. Donc, l'imam, hein, le dirigeant, c'est-à-dire, de l'époque, le cheikh dit, donc le dirigeant, que Allah lui donne le succès, il n'est tombé dans rien de ce genre de choses, hein, de qu'est-ce qu'on a mentionné. Parce que c'est, il dit, c'est l'imam des musulmans, le dirigeant des musulmans. Et il regarde par rapport à qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon pour les musulmans. Et donc, il voit qu'il est nécessaire de préserver les pays musulmans vis-à-vis des autres pays étrangers. Et c'est pour ça qu'il veut faire des ententes de paix avec eux, pour préserver les pays musulmans. Donc, le cheikh dit ensuite, et les mashaykhs, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme le cheikh Suleiman ibn Abdullah, le cheikh Abdul Latif, et le cheikh Hamad ibn Atiq, lorsqu'ils ont mentionné le fait de prendre les mouchriquines pour allier, ils ont interprété ça comme étant le fait d'être d'accord avec eux. Le fait d'être d'accord avec eux sur qu'est-ce qui est kufr et sur qu'est-ce qui fait partie de leur égarement. Ou le fait de leur venir en aide dans ça et de les aider dans ça et d'être satisfait de leur parole. Alors, vous, que Allah vous donne le succès, eh bien, retournez aux paroles de ces imams-là et vous allez voir que leurs paroles sont telles que nous les avons mentionnées. Donc c'est pour faire comprendre que ces gens-là ont pris les paroles des imams en dehors du contexte. Et aujourd'hui c'est la même chose. Quand des takfiriens, des khawarij à notre époque, ils voient que des pays musulmans font des rencontres avec des dirigeants étrangers, hein, ou bien parfois ils vont même trouver des photos. Ils vont trouver la photo par exemple d'un dirigeant musulman avec avec le président des États-Unis ou le président de l'Angleterre ou le président de la France ou des choses comme ça, et du fait qu'ils les voient côte à côte, eh bien ils disent, ah regardez, hein, regardez, ils sont alliés avec les koufars, donc ce sont des koufars, hein, et ça c'est de l'égarement et c'est de l'ignorance. Hein, puisque même qu'est-ce qui est drôle aussi de la part de ces gens-là parmi les takfiriens, c'est que si tu regardes même leurs chouyours, ceux qu'ils prétendent suivre, et leurs du'ats aujourd'hui parmi les hizbiyins, eux-mêmes ils vont rencontrer les dirigeants et font des photos avec les dirigeants, et ils vont même prendre des photos avec le pape, et avec des têtes des rabbins juifs et avec même des imams parmi les imams des Rafida, et ils se font faire des photos avec eux, et quand ils font ça, personne dit rien, hein, et personne dit rien à leur sujet. Donc ça, c'est pour montrer comment ces gens-là sont dans la contradiction. Tayyib. Donc c'est ça. Ils prennent les paroles des ulama à propos d'un sujet, et c'est un contexte totalement différent, et ils veulent prendre ces paroles-là et les appliquer dans un autre contexte et faire takfir, utilisable, justifier leur takfir en faisant ce genre de choses. Mais ça, bien entendu, c'est pas du tout acceptable, et c'est pas du tout correct, hein. C'est du riche, c'est de la tricherie et du mensonge et de la malhonnêteté de leur part. Donc là, on va essayer d'aller un peu plus vite, inshallah, pour lire les deux dernières paroles, ou les trois dernières paroles, non, les deux dernières qui restent. Le Cheikh Al-Allama ibn Sihman, Sulayman bin Sihman, fi raddihi ala man nazala kalaman l'imam al-Da'wati, قاله في أقوام المشركين ليس معهم من الإسلام شيء على مسلمين وقعت عندهم مخالفات منهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع. Donc le Cheikh il mentionne ici les paroles du Cheikh Sulayman bin Sihman, un des imams de la da'wa salafia dans le Najd, hein? Et c'était même, si je ne me trompe pas, un des muftis du Najd à l'époque. Donc il était un grand savant, et il était connu pour ses nombreuses réfutations. Il a réfuté, il a écrit beaucoup beaucoup de livres pour réfuter les gens de Bid'a et les gens de Dalal et les gens de Shirk. Donc c'était un des très grands savants, Sulayman bin Sihman, hein, rahimahullah. Donc il dit dans sa réfutation qu'il a fait au sujet de ceux qui ont pris une parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'il avait mentionné au sujet des mushrikins, hein, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam, hein, ils ont pris cette parole et ils ont essayé de l'appliquer à des musulmans qui avaient certaines contradictions, certains péchés, certaines fautes qu'ils ont fait. Et on retrouve cette parole dans le livre Minhaj Ahl al-Haq wal-Ittiba' fi mukhalafati Ahl al-Jahl wal-Ibtida'. Si on traduit, ça veut dire la voix des gens de la vérité et du suivi, c'est-à-dire de ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de la contradiction des gens de l'ignorance et de l'innovation. C'est la page 20. Donc le Cheikh il dit yaqra'una ala an-nas kalam Cheikh Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa hum la yafhamuna mawaqi' al-khitab وتوقيع الأمور على ما هي عليه حيث يقول قائلهم نعم هذا قول الشيخ في البدو والمشايخ اليوم يقولون فيقال لهم إن كلام الشيخ الذي تقرؤونه على الناس في قوم كفار ليس معهم من الإسلام شيء وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام والتزموا شرائعه وينقادوا لأوامره وينزجر عن زواجره ونواهيه أما بعد دخولهم في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من حمار أهله وأقلهم دينا وورعا ومقالته هذه أخبث من مقالة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وهؤلاء يكفرونهم بمحض الإسلام وأما قوله والمشيخ اليوم يقولون فالجواب أن نقول نعم المشيخ اليوم يقولون لا نكفر من ظاهره الإسلام ولا يطلقون الكفر على جميع أهل البادية الذين هم بين أظهر أهل الإسلام وإنما يقولون من قام به وصف الكفر منهم فهو كافر كمن يعبد غير الله ويشرك به أحدا من المخلوقين أو يتحاكم إلى الطواغيت ويرى أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله أو يستهزئ بدين الله ورسوله أو ينكر البعث فمن قام به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يخرج من الملة في بادية أو حاضرة فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh Sulaiman bin Sahman رحمه الله, il dit, ces gens-là, en parlant de ces ignorants qui appliquent les paroles des imams, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, en dehors de son contexte, le cheikh, il dit, ils lisent les paroles aux gens, ils lisent les paroles du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aux gens, et eux-mêmes ne comprennent même pas le contexte de ces paroles-là, et dans quelles conditions ou dans quel contexte ces paroles-là ont été prononcées. Du fait que l'un d'entre eux, par exemple, il dit, oui, voici la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet des Bédouins, et voici les paroles des chiouks aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent à propos des Bédouins. Donc il met les paroles du cheikh et les paroles des chiouks de l'époque côte à côte pour faire comprendre aux gens qu'il y a une contradiction entre la parole du cheikh et la parole des chiouks qui sont venus après, parmi les gens qui ont suivi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur la da'wah salafia. Donc, le cheikh Sulaiman bin Sahman, il répond, il dit, on dit à ces gens-là, on leur répond en disant que la parole du cheikh que vous lisez aux gens était au sujet des gens qui étaient des koufars, ils n'avaient rien de l'islam. Hein? Et ça, c'était avant qu'ils entrent dans l'islam et qu'ils appliquent les principes et les règles de l'islam et qu'ils se soumettent aux ordres de la religion et qu'ils s'abstiennent face aux interdictions et aux choses interdites par l'islam. Mais après qu'ils soient entrés dans l'islam, eh bien, il n'y a personne qui dit à leur sujet ce genre de paroles, hein, excepté celui qui est plus égaré que la mule de sa famille, hein, ou l'âne de sa famille. Et excepté celui personne ne dit ce genre de parole, sauf celui qui est plus égaré que l'âne de sa famille ou qui a le moins de religion et de piété. Et cette parole qu'il a dite, ce genre de parole qu'il a mentionné, elle est plus laide et plus sale que la parole des Khawarij qui font le takfir des gens pour des péchés. Hein? Donc ceux-là, ils font le takfir des musulmans, non pas pour des péchés, mais pour avoir appliqué l'islam. Donc en ce qui concerne leurs paroles, lorsqu'ils disent, et les chiouks aujourd'hui, ils disent, la réponse à ce sujet-là, c'est que nous disons que, oui, les chiouks aujourd'hui, ils disent, on ne déclare pas quelqu'un kafir, ou on ne va pas déclarer kafir celui dont l'apparence est l'islam. Et on ne va pas appliquer le kufr sur tous les gens qui vivent dans le désert, qui sont des bédouins, hein, ou dans des gens qui sont éloignés, qui vivent dans le désert, ou qui sont des bédouins, du moment qu'ils montrent l'islam. Donc le principe, le cheikh il dit, le principe c'est que les chiouks disent que celui qui a une description, une caractéristique du kufr parmi eux, alors celui-là en particulier, il est kafir. Comme par exemple, celui qui adore autre que Allah, celui qui fait du shirk, il associe avec Allah dans l'adoration une créature parmi les créatures, ou bien qu'il juge par le tarot, par les tawarit, il prend pour juge les choses qui sont en contradiction avec le jugement d'Allah et de son messager, et il juge de cette façon en pensant ou en voyant que ce jugement-là est meilleur et est supérieur au jugement d'Allah et de son messager. Donc s'il fait ça, dans ce cas-là, le cheikh il dit, ça c'est un exemple de kufr, à condition bien entendu que, comme le cheikh il dit, qu'il voit que c'est meilleur que le jugement d'Allah et de son messager. Ou bien il se moque de la religion d'Allah et de son messager, ou bien il renie la résurrection. Celui chez eux, parmi ces gens-là, qu'ils soient bédouins ou qu'ils soient parmi les gens de la ville, si quelqu'un a ces descriptions-là qu'on a mentionnées, parmi les choses qui sont des choses de kufr ou autres, qui font sortir quelqu'un de la religion, alors dans ce cas-là, on dira qu'il est kafir. Intaha kalamu. Donc ça, c'est la fin de la citation. Et on va terminer donc avec la dernière citation qu'on va mentionner, inshallah. C'est la parole des ulama, le cheikh il dit, وأنكر بعض علماء الدعوة على قوم أرادوا الخروج على الإمام لبعض على الإمام لبعض المنكرات أو المصالحات أو المصالحات وزعموا أنهم على طريقة مشايخ الدعوة لا يخالفونهم في شيء فقالوا رحمهم الله تعالى. Donc ça ici c'est un nom de différents savants qui ont écrit donc pour condamner et dénoncer certains, certaines personnes qui sont venues avec l'idée de se révolter contre le dirigeant à l'époque dans le Najd, hein, pour certains péchés qu'ils avaient faits ou certaines ententes qu'ils avaient eues, certaines ententes ou certains contrats ou pactes qu'ils avaient faits. Donc, le cheikh il répond. Les shuyukh, certains ces shuyukh là, ils ont les shuyukh de la da'wa salafia ont écrit donc ce texte ou cette réponse. Et ça c'est tiré du livre Ad-Durar As-Saniya, le volume 9 à la page 183. Donc c'est un nombre de savants qui écrivent ensemble cette lettre. Donc le cheikh il cite donc cette parole. Min Sa'd ibn Hamad ibn Atiq وسليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد اللطيف وعمر بن عبد اللطيف وعبد الرحمن بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم وبعد فأشرفنا على كتابكم الذي أرسلتم إلى الإمام عبد العزيز سلمه الله تعالى ذكرتم في آخره أنا لا نجتمع وإياك إن خالفت شيئا مما ذكرنا إلا كما يجتمع الماء والنار وهذه كلمة ذميمة وزلة وخيمة تدل على أنكم أضمرتم شرا وعزمتم على الخروج على ولي أمر المسلمين والتخلف عن سبيل أهل الهدى وسلوك مسلك أهل البغي والرداء ونحن نبرأ إلى الله من ذلك وممن فعله أو تسبب فيه أو أعان عليه لأن ما رأينا من الإمام عبد العزيز ما يجب خروجكم عليه ونزع اليد من طاعته وإذا صدر منه شيء من المحرمات التي لا تصوغه لا تصوغها الشريعة فحسب طالب الحق الدعاء له بالهداية وبذل النصيحة على الوجه المشروع أما الخروج ونزع اليد من طاعته فهذا لا يجوز وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشايخكم وأنكم ما تخالفونهم في شيء يرونه لكم ولا ندري ما هؤلاء من هؤلاء المشايخ أهم مشايخ المسلمين أو غيرهم ممن سلك غير سبيلهم ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين أين الخط الذي شرفتمونا عليه أين الخط الذي قد شرفتمونا عليه أين السؤال الذي سألتمونا عنه أفتيناكم فيه أين الأمر الذي شاورتمونا عليه حتى الخط الذي تدعون أنكم تنصحون الإمام عبد العزيز عن أمور يفعلها أنتم مشايخ أنفسكم تحللون وتحرمون على أنفسكم ولا ترفعون لنا خبرا في شيء ودعواكم أنكم على طريقة المشايخ يكذبه ما صدر منكم وقد علمتم حقيقة ما عندنا وما نعتقده من حين ما حدث منكم الخوض وكثرت منكم الخطوط والمراسلات للإمام وعرفناكم بما عندنا وما نعتقد وندين الله به وهو وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين ومجانبة الوثوب عليه ومحبة اجتماع المسلمين عليه والبغض لمن رأى الخروج عليه ومعاداته واتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. Bon, on va traduire cette première partie de la lettre. On va ensuite traduire la suite par la suite. Le cheikh, il dit donc de Sa'd ibn Hamad ibn Atiq et de Sulayman ibn Sahman et de Salih ibn Abdul Aziz et de Abdul Aziz ibn Abdul Latif et de Omar ibn Abdul Latif et de Abdul Rahman ibn Abdul Latif et de Muhammad ibn Ibrahim. Ensuite, ça c'était à l'époque du roi Abdul Aziz al-Sheikh. Hein? Le roi Abdul Aziz al-Sheikh. Donc il dit, nous avons trouvé votre lettre que vous avez envoyée à l'imam Abdul Aziz, hein, qu'Allah le préserve. Et vous avez mentionné à la fin, il dit, nous n'allons pas nous réunir ou nous rassembler avec toi si tu contredis quoi que ce soit de ce qu'on a mentionné, excepté comme l'eau s'unit avec le feu. C'est-à-dire, on ne va pas s'unir avec toi tant que tu ne vas pas être d'accord avec tout ce qu'on a mentionné dans notre lettre. Parce qu'ils ont écrit une lettre, pour, peut-être pour critiquer, par exemple, certaines actions ou certaines choses de la part du chef, du roi Abdul Aziz. Donc, les ulama ont répondu à ces gens-là. Ils ont dit, ça c'est une parole hein, qui est blâmable et une chute qui est mauvaise. Yani, vous êtes tombé dans une erreur grave en disant ce genre de choses. Parce que ça montre que vous avez en vous-même l'intention de faire un mal, de faire quelque chose de mal. C'est-à-dire, vous êtes déterminé à sortir et à vous révolter contre le dirigeant des musulmans. Et de contredire ou de vous écarter de la voie des gens de la guidance. Et que vous souhaitez suivre la voie des gens de la déviation hein, et du mal. Et nous nous désavouons auprès d'Allah de vous dans ça. Nous vous désavouons auprès, comme yani nous prenons Allah comme témoin que nous désavouons de cela et de ce que vous faites ou de tout ce qui pourrait être une cause pour aider ce que vous faites ou d'être d'accord avec quoi que ce soit. Et nous nous désavouons de tout ce qui pourrait être une aide dans qu'est-ce que vous voulez faire parce que nous n'avons pas vu dans ce que fait le dirigeant, le roi Abdul Aziz, ce qui obligerait ou impliquerait que nous devrions sortir contre lui ou enlever notre main de son obéissance. Et si jamais quelque chose comme un péché ou quelque chose qui est haram se produisait de sa part, eh bien, parmi les choses qui sont interdites par la charia, par exemple, comme un péché, eh bien, il est suffisant pour vous ou pour la personne qui cherche la vérité, de faire un dua pour lui et de demander à Allah de le guider et de lui donner la nasiha selon la méthode qui a été légiférée. Comme par exemple, qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui a une nasiha à donner au dirigeant, qu'il la donne en privé, qu'il le prenne par la main et qu'il lui donne cette nasiha en privé, non pas publiquement comme le font les khawarij. Donc le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne le fait de sortir contre ce dirigeant-là et de retirer votre main de son obéissance et de son allégeance, ça c'est interdit, ce n'est pas permis. Et vous pensez que vous êtes sur la voie de vos mashaykhs, de vos savants, eh bien, alors que vous les avez contredits, vous pensez que vous ne les contredisez pas en quoi que ce soit de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils disent. Et il dit, on ne sait pas qui sont vos mashaykhs dans ce cas-là. Est-ce que ce sont les shuyukh des musulmans ou autres hein? Parmi ceux qui ont suivi autre que la voie des savants. On ne sait pas qui sont vos shuyukh. Et ça, c'est la réalité des jeunes takfiriens et des djihadis et des takfiriens. Ils ne suivent pas les ulamas. Et ils prétendent vouloir suivre les ulamas et s'attribuer aux ulamas alors qu'ils sont en contradiction avec les ulamas. Donc, il dit... Donc, on ne sait pas, est-ce que vous suivez ceux que vous suivez, qui ils sont? On ne sait pas qui ils sont. Est-ce que ce sont les savants des musulmans ou autres, parmi ceux qui ont suivi autre que leur voie et qui veulent ouvrir la porte des tribulations et des problèmes contre l'islam et les musulmans? Ou est-ce qu'elle est cette ligne que vous avez indiquée, hein, que vous avez indiquée dans votre lettre? Où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elles sont les questions que vous nous posez pour qu'on, et où sont donc ces questions pour qu'on vous réponde et qu'on vous donne une fatwa? C'est-à-dire que eux, hein, ils ne posent pas la question, ils ont déjà leur réponse, hein, ils sont déjà convaincus et prêts. Ils n'ont pas posé la question aux ulama à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi la situation, est-ce que ça c'est kofre, est-ce que ça c'est shirk, est-ce que ça c'est ci, est-ce que ça c'est ça, est-ce que ça c'est permis. Non, ils ont déjà écrit avec la décision déjà prise dans leur tête à leur sujet, ils sont convaincus déjà. Ils ont même pas, ils sont même pas retournés aux ulama. Donc les ulama, ils leur disent, où est-ce qu'elles sont vos questions? Quand est-ce que vous nous avez posé ces questions-là? Hein? Où est-ce qu'elle est l'exemple? Où est-ce que vous nous avez consulté sur ces choses-là? Et même la ligne que vous prétendez suivre, que vous avez tracée, soi-disant, où est-ce qu'elle est votre nasiha que vous avez donnée, hein, à l'imam Abdul Aziz au sujet des choses qu'il fait? Hein? Vous êtes en réalité vos propres chouyours. C'est-à-dire vous-même, vous êtes des chouyours pour vous-même. Vous suivez votre propre tête. C'est ça que vous faites. Vous n'avez pas de savant. Et c'est ça la réalité des gens de takfir aujourd'hui. Ils n'ont pas de savant. Ils suivent leur propre tête seulement. Hein? Et il dit ensuite, vous rendez les choses halal, hein, et haram pour vous-même. Et vous ne ramenez rien aux savants. Vous ne nous ramenez rien dans quoi que ce soit. ودعواكم أنكم على طريقة المشايخ يكذبه. Donc la prétention que vous faites quand vous prétendez être sur la voie des chouyours, eh bien ça c'est quelque chose que qu'est-ce qui est sorti de votre part, qu'est-ce qu'on a vu paraître de votre part, c'est quelque chose qui vient démentir votre prétention que vous êtes sur la voie des savants. Alors que vous savez la réalité de ce que nous avons comme position par rapport à ces choses-là, et vous savez ce qu'on croit par rapport aux choses dans lesquelles vous avez discuté, hein? Et donc de votre part, on a vu beaucoup de lignes, beaucoup d'écritures, c'est-à-dire vous écrivez à l'imam, au dirigeant ou au roi Abdul Aziz, hein, au sujet des choses dont on vous a fait déjà part de notre position à ces choses-là. Et vous savez ce que nous avons comme croyance vis-à-vis de ces questions-là, et qu'est-ce qu'on a comme religion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces questions-là, vous savez qu'est-ce qu'on a comme position religieuse sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans, et que vous devez vous écarter de tout ce qui pourrait amener à la révolte contre lui. Hein? Et vous devez, vous savez que nous, notre position, c'est qu'on doit aimer le fait que les musulmans se réunissent autour de lui, c'est-à-dire autour de ce dirigeant, et détester celui qui considère qu'il faut se révolter contre lui et s'opposer à lui. Et notre référence ou notre base là-dessus, c'est en suivant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: adorez votre Seigneur, priez vos 5 prières, jeûnez votre mois du Ramadan, établissez ou donnez la zakat de vos biens, obéissez à celui qui a le commandement sur vous, vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. C'est rapporté par At-Tirmidhi dans Kitab as-Salah et par Ibn Hibban qui l'a authentifié également, et par Al-Hakim dans Kitab al-Iman. Donc ça c'est un hadith qu'il a mentionné. Ensuite le cheikh il dit, نعم الذي والذي نرى لكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار وعدم التمادي والاسترسال مع دعاوي الجهل والغي والضلال وأن تلتزموا ما أوجبه الله عليكم من القيام بالواجبات واجتناب المحرمات ومزالمة طاعة من ولاه الله أمركم وانظروا وتفكروا في أحوالكم سابقا ولاحقا واعرفوا نعمة ربكم واشكروا عليها واشكروه عليها فإنكم كنتم أولا في جاهلية عريضة وحالة عن الحق بعيدة ورؤساؤكم أكثرهم طواغيت كبار وعوامكم جفات أشرار لا تعرفون حقائق دين الإسلام ولا تعلمون من الحق إلا بما تهوى نفوسكم ومع ما كان بينكم مع ما كان بينكم من سفك الدماء ونهب الأموال وقطعة الأرحام وتعدي حدود الله وغير ذلك من المحرمات وعظيم المنكرات ثم هداكم الله لمعرفة دينه والعمل بتوحيده وسلوك مسلك أهل الإسلام والتوحيد وانتشرت بينكم كتب السنن والآثار ومصنفات علماء الإسلام ثم أنتم الآن انتقلت بكم الأحوال انتقلت بكم الأحوال إلى أنكم تحاولون الخروج على الإمام ومنابذة أهل الإسلام ومفارقة جماعتهم فاتقوا الله عباد الله واذكروا قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فأشبه الليلة بالبارحة وهذا الذي ذكرناه لكم وأشرنا به عليكم من السمع والطاعة للإمام وعدم نزع اليد من طاعته وعدم الشقاق والخلاف وترك أسباب التفرق والاختلاف ومجانبة سبيل أهل الغي والضلال والاعتساف هو اعتقادنا الذي نحن عليه مقيمون وله على مر الزمان معتقدون وبه متمسكون وبه مستمسكون وعليهم موالون ومعادون ظاهرا وباطنا سرا وعلانية ومن نسب إلينا غيره فهو علينا من الكاذبين الظالمين وسيجزي الله بما يجزي به الظالمين والمفترين فإن تبتم إلى ربكم ورجعتم عما عنا لكم واستحسنته نفوسكم فالحمد لله رب العالمين والمنة لله في ذلك عليكم وإن أبيتم إلا الشقاق والعناد وسلكتم مسالك أهل الغي والفساد فاعلموا أننا نبرأ إلى الله منكم ونشهد الله وملائكته وعباده المؤمنين على خطئكم وضلالكم وأنكم قد خالفتم ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء الملة والدين وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره انتهت كلامه رحمه الله donc le cheikh il dit maintenant on va lire la dernière partie puis inchallah on va s'arrêter le cheikh il dit et ce que nous voyons ou ce que nous considérons maintenant pour vous c'est que vous devez vous repentir à Allah et demander pardon et cesser de persister et de continuer dans vos prétentions d'ignorance et de déviation et d'égarement et que vous vous limitiez à appliquer ce qui est obligatoire pour vous ce que Allah a rendu obligatoire pour vous d'établir comme obligation et de vous écarter parmi les choses qu'il a interdites et de continuer à obéir à celui que Allah a mis au pouvoir sur vous comme dirigeant et regardez et réfléchissez sur vos états et votre situation dans le passé et actuellement et reconnaissez la grâce de votre Seigneur sur vous et soyez reconnaissants et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce parce que vous étiez au début dans une grande ignorance un état loin de la vérité et vos dirigeants la plupart d'entre eux étaient des grands tawarit qui jugent par autre que la loi d'Allah et vos musulmans les musulmans du commun parmi vous étaient des gens qui étaient durs et mauvais vous ne connaissiez pas les droits de l'islam et vous n'appliquiez rien de la vérité, excepté ce qui était en accord avec vos passions. Et vous tuiez les uns les autres, et vous faisiez couler le sang, hein, votre sang, les uns les autres. Et vous voliez les biens des uns des autres, et vous coupiez les liens de parenté les uns des autres. Et vous aviez l'habitude de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire beaucoup d'autres d'entre les choses interdites de l'islam et beaucoup de mauvaises choses. Puis Allah vous a guidé et vous a fait connaître sa religion et vous a fait connaître l'application du tawhid, de son tawhid, et vous a fait connaître la voie et vous a fait suivre la voie des gens de l'islam et du tawhid jusqu'à ce qu'elle se propage parmi vous. Et que les livres des sunan et des traditions et des citations et des narrations soient propagés parmi vous. Et les livres des ulama de l'islam soient propagés parmi vous. Et puis, maintenant, les choses sont renversées. Et vous êtes là maintenant prêt à essayer de renverser ce dirigeant et à sortir pour vous rebeller contre lui. Et de repousser les gens de l'islam, les musulmans, et de vous séparer de la jama'a des musulmans. Alors craignez Allah, ô serviteur d'Allah, et souvenez-vous de ce que Allah a dit dans sourate Al-Imran, le verset 103. Souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus par sa grâce des frères et que vous étiez sur le bord d'un gouffre de feu et qu'il vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous clarifie, hein, clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez être bien guidés. Alors il dit comme les choses sont semblables, comme la nuit passe, comme cette nuit ressemble à la nuit passée. Le cheikh il dit ça c'est une expression pour dire que regardez comment les choses ne changent pas et comment les choses reviennent comme elles sont, hein. Et donc on vous a mentionné ces exemples là, hein, comme l'exemple d'écouter et d'obéir aux dirigeants et de ne pas retirer votre main de son obéissance et de ne pas faire de division et de divergence et d'abandonner les causes de division et de divergence et de vous écarter des voies des gens de la déviation et de l'égarement. Et il dit ça c'est notre aqida sur laquelle nous sommes établis, c'est la croyance sur laquelle nous sommes établis. Et que nous avons toujours eu comme aqida à travers le temps, et c'est la aqida sur laquelle nous sommes accrochés, et c'est sur cette aqida là que nous aimons et que nous détestons, et c'est cette aqida là que nous prenons de façon apparente et de façon cachée, de façon secrète et de façon publique, hein, et tout ce qui pourrait nous être attribué qui serait autre que cela, alors celui qui nous l'attribue et toute personne qui nous attribuerait quelque chose autre que cela, alors il a menti contre nous et il est injuste. Et Allah va le rétribuer comme il a rétribué les injustes et les menteurs et les gens qui fabriquent des mensonges. Et si vous vous repentez à votre Seigneur et que vous revenez, hein, et que vous revenez de ce que vous avez eu comme intention de faire, et que vous vous reveniez sur vos positions et ce que vous aviez comme intention dans votre cœur, eh bien alhamdulillah rabbil alamin, et c'est lui que nous remercions pour cela pour vous. Et si vous refusez de vous repentir, hein, et que vous souhaitez uniquement faire de la division et vous obstinez dans cette voie de la transgression et dans l'arrogance, eh bien, et que vous suivez la voie des gens de la division et de la corruption, sachez que nous sommes innocents de vous auprès d'Allah. Et nous prenons Allah comme témoin, ainsi que ses anges et les serviteurs croyants, de votre égarement et de votre erreur. Et que vous avez contredit ce que les salafs de cette umma et les imams de cette umma ont suivi, de même que les ulama de la religion. Et Allah a dit dans le verset 115 en sourate An-Nisa, et quiconque s'oppose ou fait scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est la fin de cette citation, et c'est la fin des quatre introductions qu'on a lues. Maintenant on rentre dans les points du livre, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, on va commencer donc le premier point d'entre les points que le cheikh a cité dans le livre pour expliquer donc le sujet de Al-Wala wa Al-Bara. Et on a expliqué au premier cours, on a fait le compte-rendu du livre, on a expliqué le contenu du livre, c'est qu'il y a 9 points qu'on va expliquer au sujet de la réalité de Al-Wala wa Al-Bara. On va commencer la semaine prochaine le premier, qui est la définition de Al-Wala wa Al-Bara, Inch'Allah. Donc si, pour revenir donc à qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un par exemple qui parle du takfir et qui parle de déclarer les dirigeants kuffar, et vous l'entendez citer Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz ou Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, ou bien essayer de citer pour justifier son takfir le Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim ou d'autres parmi les ulama, ou les paroles d'autres ulama, sachez que ces gens-là sont des gens qui mettent les paroles des ulama en contradiction avec la réalité du contexte. Hein, ils prennent les paroles des ulama, ils les citent hors contexte et ils ne ramènent pas les questions aux ulama. Hein. Qu'ils ramènent les paroles aux ulama et laissez les ulama parler de ces questions-là, et vous allez voir la situation et la question est bien différente de ce que ces gens-là prétendent. Et alhamdulillah rabbil alamin. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui et on va s'arrêter ici aujourd'hui, puis on va revenir à ça. Parce qu'il y en a des gens qui parlent, comme par exemple, si des ulama ont parlé sur certains dirigeants, ils ont fait le takfir de certains dirigeants, comme certains savants avaient fait le takfir de Qaddafi depuis plus de 30 ans déjà. Hein? Mais ils ont fait le takfir, pourquoi? Parce qu'ils rejetaient la sunna. Hein? Ils rejetaient la sunna. Celui qui rejette la sunna, il est kafir. Ça, c'est des exemples. Hein? Mais ceux qui prennent par exemple l'exemple de qu'est-ce qu'un dirigeant fait, par exemple ils disent ah lui il juge pas par la loi d'Allah et ils le prennent comme un kafir, eh bien ça c'est pas nécessairement une preuve, et c'est pour ça que certains des takfiriens ils mettent les choses en dehors de leur contexte et ils mélangent les choses. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Et je rappelle aussi que demain il y a le cours de Kashf al-Shubuhat avec le charh de Cheikh Ibn Baz à la même heure, inshallah.